إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب قبل أن نبدأ، جست par rapport à ce qu'on a dit hier dans la mas'ala du dhabh, liyatma'inna qalb as-sami'in, pour que les cœurs se rassurent de ce que j'ai dit hier. On va lire le kalam de Cheikh Othaymin directement, juste le début, qasir. Que le qasd du mu'allif fil dhabh li ghilillah alladhi wa shirkun akbar wa alladhi wa dhabh li ajli et takarrub wa ta'zim. C'est un truc qu'il faut préciser. Qal wa dhabhu li ghilillah yanqasim ila qismayn. De deux catégories. Awalan an yazbaha li ghilillah takarruban wa ta'ziman fa hadha shirkun akbar mukhrij an il milla, qui dégorge pour que Allah, pour se rapprocher, faire le ta'zim à autre que Allah. Cela, c'est du shirk akbar qui sort de la umma. Il n'y a pas d'asra. Celui-là, il n'y a pas de tafsil. Thaniyan an yazbaha li ghilillah farahan wa ikraman fa hadha la yukhrij min al milla bal wa min al umur al adiyati allati qad takunu matlubatan ahyanan wa ghayr matlubatin ahyanan fal aslu annaha mubahatun. Donc qui les gauche pour autre que Allah, pourquoi? Par joie ou pour honorer, c'est-à-dire quelqu'un. Et ça, c'est une chose qui ne sort pas de la umma, mais plutôt c'est même parmi les choses qui sont normales. Adi, il n'y a pas de problème pour ça. Et que c'est des choses qui peuvent être des fois demandées, matlouba. Et des fois, ce n'est pas matlouba. Et la base dans ces choses-là, c'est qu'elles sont permises. Azam. Azam. Donc, le dhabh, les ghilillah, quand les gens le disent, généralement, ils visent celui qui est ta'ziman ou ta'karruban. Ça, ils ne précisent pas les gens. Mais après, quand tu fasses ça dans la mas'ala, voilà, celui-là, il est permis. Il est permis. Des fois, il peut être mustahab. Et ta niya à toi, à ce moment-là, c'est pas un takarrubi l'Allah. C'est-à-dire quand tu fais une aqiqa, c'est quoi le but? C'est pour la naissance de l'enfant. Comment tu le fais? Par un zabh. Isnein, le walad, deux bêtes pour le garçon et un pour la fille. Parce qu'il y a un délit qui est venu. C'est-à-dire à partir du moment où tu as mis niya de le faire pour Allah, pour de vrai, ta'atanillah, et tu fais la basmala, et tu n'as pas fait un ta'zim comme celui qui égorge de lui-même comme ça, c'est valable. Sinon, ça contraindrait les gens qui veulent manger de la viande à tout le temps faire un ta'zim, quand ils vont oublier. Donc ils vont dire, là, j'ai fait du shirk. C'est une porte qui amène au rasawis. Elle dit, j'ai égorgé, j'ai les bismillah, mais j'ai pas eu de ta'zim quand je l'ai fait. Et là, il va être perdu. Non. Taïb. اليوم ان شاء الله سنحاول ناخذ بابين parce qu'elles sont liées, celle du nazr et comme elles sont courtes, وغد كذلك, deux ensemble parce qu'elles sont courtes et elles sont liées. ان يسر الله لنا ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. On ne sacrifie pas, on n'égorge pas dans un lieu dans lequel on n'égorge pas pour Allah, dans un lieu où il a été égorgé pour autre que Allah. Et là, c'est un dhabh li ghayrillah ta'ziman, bien évidemment. Non. Après, il va citer les ilal. Pourquoi? Adam Moufid, ce bab-là, tu sors des masa'il dans plein de situations qui ne sont même pas liées forcément, même, on va dire, au tawhid en soi, même dans le manhaj et tout. C'est un truc, c'est un bête, quand il est compris, ça t'apporte beaucoup de khayr. قال أراد به لا يجوز للمؤمنين التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركتهم في الأماكن المعصية وفي الأماكن ولو بغير ذبح حتى لا ينصب إليهم ويشاركهم. فإذا ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله فإنه قد ينصب إلى أهل الأهواء ويظن به السوء والمؤمن يبتعد عن ذلك كله. Donc il dit que le mu'allif a voulu par là, par ce bab, dire qu'il n'est pas permis aux musulmans de ressembler aux gens des péchés, ni de participer ou de se rendre dans les lieux de ma'asi et dans les lieux dans lesquels autre que Allah est adoré, même si ce n'est pas par le zabh. C'est plus large que le zabh. Pour ne pas quoi qu'il soit ba'da hadha affilié à ces gens-là, en apparence. Car si jamais il viendrait à égorger dans un lieu qui est connu, qui est un lieu de shirk, dans lequel on égorge pour Allah, il vient, il égorge pour Allah, les gens ne feront pas à sa niya. Ils vont le mettre avec qui? Avec les mouchtekins qui de base, que ça c'est leur lieu, eux, ils sont connus pour faire cela ici. Donc on pensera du mal de lui. Donc le musulman à la base, tout ce qui peut amener à faire douter de lui, il est loin de cela. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se loin des shubuhat, des ambiguïtés, il s'est préservé dans sa religion et dans son honneur. Ça c'est une chose très importante. قال لا تقم فيه ابدا لا تقم فيه ابدا ne t'y tiens jamais debout. Là c'est le premier dalil. Je vais expliquer pourquoi. C'est quoi le chef du dalil? هذا نزل في مسجد الدرار وهو مكان بناه المنافقون لإيواء بعض الكفرة ليكون حسنا لهم يجتمعون ويتعاونون فيه على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم أخفوا ذلك وأظهروا أنهم بنوا المسجد لإيواء الضعفاء والمساكين في الليالي الشتائية. Donc ça c'est le mosquée de Darar qui c'était dans la fin de la Touba que les munafiqoun ont construit. Pourquoi? Pour pouvoir y abriter certains koufars, pour pouvoir s'y réunir avec eux et s'entraider dans comploter pour pouvoir tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment le combattre? Cependant ils ont caché cela et ils ont fait croire qu'ils ont bâti ce masjid pour abriter les pauvres et les affaiblis lors des nuits d'hiver. Donc là c'est un tambi important à retenir, c'est que les al-bati, les koufars, souvent ils viennent toujours avec ce wajh là, que ce qu'ils font ils le font pour un khay derrière. C'est pour ça que dans le verset, il dit « La yahifunna in aradana ilal husna wallahu yashhadunum lakadhibun » Il dit « Certes, ils vont te jurer par Allah qu'on a voulu faire que du bien. » Notre but de faire ce masjid, c'est pour faire du bien. Et Allah atteste qu'ils sont des menteurs. Donc là, ça ressemble à quoi? Même les koufars, quand ils viennent dans les pays d'islam, comme par exemple en ce moment, ils n'arrivent pas à faire une propagande choléra, famine au Yémen, on envoie la Croix-Rouge, on envoie les aides humanitaires, on envoie les Médecins sans frontières. Leur but, ce n'est pas aider les Yéménites, sûrement pas. C'est venir pour propager le christianisme et combattre l'islam. Ils viennent avec une apparence d'aide pour pouvoir mieux te taper par en dessous. Comme ça, ils font tashkik, fidinik. Ils te disent, regarde, toi, t'es musulman, t'as la guerre chez toi, t'as plein de problèmes, des maladies. C'est nous, les chrétiens, on vient vous aider. Si votre religion était si bonne, pourquoi c'est nous qui allons venir vous aider? À un moment, Allah, il va vous sauver. Donc ça prouve bien qu'il y a un problème chez vous et nous, regardez, on a tout avec nous. On a l'argent, la sécurité, on a le riz, on a la farine, on a les médicaments. Alors, il est où le bien? Et les gens qui sont faibles dans la Aqidah ou qui n'ont pas d'Aqidah, ils tombent dans le piège, ils se font avoir dans le panneau. Donc ils font tout le temps cela. Si les koufars ils viennent quelque part, ils ont un intérêt derrière. Eux, comme on dirait, fisabilillah, en général, ils ne connaissent pas ça. À part peu, certains d'entre eux peut-être sont sincères, mais ils sont. Voilà. Mais les têtes meneuses, eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Leur but, c'est d'aller là-bas et de faire une da'wa de tansir, le christianisme, ou autre parmi les da'wa de ba'atila. Donc tout le temps, leur apparence, c'est on vient aider les pauvres, on vient aider les malades, on vient aider les veuves, on vient aider les orphelins, on vient, ils n'en ont rien à faire. Eux-mêmes, à la base, sont la cause de ces famines, de ces orphelins, de ces veuves, car c'est eux qui provoquent ces guerres. Pour pouvoir après arriver, tu vois, tahrish, je te fais te battre avec un tel, tu provoques une bagarre entre vous deux. Après, je viens, genre, c'est moi qui concilie entre vous deux. Alors, c'est moi là-bas qui ai provoqué la bagarre. Je n'ai pas provoqué la bagarre, il n'y a peut-être pas eu les problèmes. J'ai provoqué la bagarre, après, je fais passer que c'est moi le conciliateur. C'est moi l'homme de bien. Et ça, c'est un macre. Et les koufars, ils marchent à ça. Donc là, ils ont fait pareil, c'est mon affirone. وَطَرَبُوا مِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ سَلَمُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ قَبْلْ ذِهَابِهِ إِلَى تَابُوك وَلَكِنَّهُ أَجَلَّ إِلَى دَعْوَتِهِ وَلَمَّا رَجَعَ وقبل المدينة أنزل الله ما يفضحهم ويبين مقاصدهم الخبيثة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمه ويهدمه. Donc il dit, ils ont demandé du prophète صلى الله عليه وسلم qu'il vienne faire une salat avant qu'il ne parte à Tabouk. Cependant il a reporté, pas même, il a dit je ferai cela en revenant. Et en venant de Tabouk, il arrive à Al-Médina, Allah fait descendre les versets pour les dévoiler. Donc il a fait quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a envoyé des gens pour détruire son masjid. Donc regarde ça aussi parmi les Macs de ces gens-là. Ils appellent la référence, ta référence à toi, pour qu'ils viennent, pour dire, regardez, il est venu chez nous, un tel. Pour que les gens, les cœurs se rassurent, un tel, il est venu chez nous, il est avec nous, et après, il te tape. Les Hizbis font pareil. Ils vont faire des jam'iyat pour faire des tafriq, de la darwa divisée entre les salafis. Mais tu crois qu'ils vont faire ça directement? Non, ils vont faire une chose, ils vont avoir plein de savants de la salafia. Viens faire une muhadara chez nous, yachir. Viens participer à une daura chez nous, yachir. Viens, nous, on publie tes livres, yachir. Comme ça, les gens disent, regardez, chez un tel, il est avec nous. Donc, rassurez-vous. Et quand les gens, ils sont rassurés, et que le chir, il est parti, là, ils commencent. Les jours où tu leur parles, vous, Kaza, ils disent, mais chir, il nous connaît. Il est venu chez nous. Comment tu parles sur nous? Si tu parles sur nous, c'est que tu parles sur chir, parce qu'il est d'accord avec nous. Tu vois? Donc, ils ont voulu faire quoi? Dis au Prophète Salam, viens, ça c'est genre, Ikram, viens chez nous faire salat dans notre masjid en premier lieu. Quand même. Comme ça, lui, il essaie de le duper, chose qui a échoué. Et duper les gens pour dire, il est venu chez nous. Donc, le masjid, il le cautionne, ce qu'on a fait. Donc, venez faire salat chez nous. Parce que leur but, c'était quoi? De diviser entre les musulmans. Au lieu d'aller faire salat à Kouba, il allait faire salat ici. Et là, c'est une mas'ala que le chéri cite souvent chez Abou Bilal. Dans un quartier, un même quartier, tu ne fais pas de masjid salafi. Tu as un masjid salafi qui est là, tu t'en contentes. Tu ne fais pas un deuxième à 100 mètres. Ça va faire une division. Tu en fais un seul, ça suffit, comme si tout le monde se réunit dans le même masjid. Maintenant, c'est un quartier qui est un peu plus loin. Là, baisse. Et même, par exemple, tu mets un masjid salafi ici, ça montre après un masjid salafi, ça ne sert à rien, ça. 100 mètres, mais il y a d'où, les gens, ils vont venir. Alors, ça va amener à une fourka. Un jumu'a ici, un jumu'a ici. Un ders ici, un ders ici au même moment. Alors que les gens, pourquoi ne pas les mettre tous au même endroit, au même moment? Le but, c'est l'ijtima'. Donc ça aussi. قال فمعنى ذلك أن محلة الكفر والضلال يجب التخلص منها وعدم إبقائها حتى لا يستعان بها على الفساد. Donc il dit que tous les lieux justement de kufr et d'égarement, on doit s'en débarrasser. On ne doit pas les laisser. Tamam? Afin qu'il n'y ait pas, qu'on ne se passe pas dessus pour provoquer le façade dans le lieu où on est. Dernièrement, j'ai lu dans les informations, en Tunisie, dans une boîte de nuit, un DJ il a fait un show, disons il a mis la vanne. Il a fait un mix avec la vanne, a'ouzou billah. Les Tunisiens, ils ont réagi. Il a dû faire ses excuses. Même, c'est passé à la télévision et tout, je n'ai pas regardé, mais j'ai regardé sur les infos et tout. Il a fait ses excuses et tout. Il dit, moi, je ne pensais pas que ça vous offensait, d'après lui. D'après lui, tu joues avec le dîne des musulmans dans leur pays. Mais on dit à la base, Tayeb, il s'est excusé, les Tunisiens, ils ont blâmé. Mais à la base, la discothèque, qu'est-ce qu'elle fait là déjà à la base? S'il n'y avait pas de discothèque, il ne serait pas venu faire ça. C'est ça ce qu'il veut faire comprendre le chef. À la base, il n'y aurait pas mis de façade. Eh bien, il n'y aurait pas eu cette énormité qui aurait été faite, à la base. Donc, il faut blâmer le DJ qui a fait cela, mais à la base, qu'est-ce qu'il est venu faire en Tunisie, un pays d'islam? Qu'est-ce qu'une discothèque à la base? C'est pas permis. La musique, c'est haram, c'est genre de lieu, de l'alcool. Sûrement, la musique, la mixité, du zina, je ne sais quoi, il n'y a pas lieu d'être. Donc ça a amené à quoi? À ce qu'a dit J.K. Afir, vient d'Angleterre, fasse un mix dans lequel il dit, mais quoi? La vanne. C'est-à-dire le comble, pour vous dire, arrêtez. C'est le comble. Mais malgré cela, est-ce qu'ils ont compris? Ils n'ont pas compris. Ils s'excusaient, ils ont créé la révolte, mais il faut créer la révolte de la boîte de nuit déjà en premier lieu. Maintenant, on sait qu'il y a des Tunisiens qui sont contre la boîte de nuit. Alhamdoulilah, il y a des frères à la Khair, à Sabet, des gens des Awam, des Asunna, qui n'aiment pas ce genre de choses. Mais le demander des excuses au Didier, déjà, le directeur qui fait cette boîte de nuit, c'est lui qui faut empêcher de faire cela. Donc le mal amène au mal. Tu commences par ça, et après ça finit par je ne sais quoi. Et là, il y a Ijma, qu'il est interdit de construire des canaïs, des églises, en pays d'islam. Il y a une rissa là de Shia Ben Bez, ou plutôt il a fait une moukot d'Ima, je crois, dans lequel il y a Ijma, unanimité, qu'il est interdit de construire des canaïs, et même des synagogues en pays d'islam. Donc il dit que le Mu'allif a pris ce verset quand même, pour dire que tout lieu dans lequel on adore autre que Allah, il n'est pas permis de venir pour faire une adoration pour Allah qui ressemble à cette adoration de ces gens-là pour ne pas qu'il y ait un leps, une confusion. Et ça c'est valable. Les lieux où il y a du mal, où il y a du faux, tu ne t'y rends pas. Quand même, tu ne t'y rends pas pareil. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas être attribué à ces gens-là. Qala al-ma'ad li-fisqi wal-ma'asi yajib ala yabqa hatta la yufsid al muslimin, que tous les lieux de perversion et de péché doivent obligatoirement les détruire pour ne pas que cela amène à corrompre les musulmans. Donc, cette parole-là du shir, et également, elle revient à la masala qu'on répète tout le temps, elle amène à quoi ? Qu'à la base, tu ne restes pas dans le lieu de désobéissance, du shirk et tout ça. Donc ça, c'est une chose encore qui te pousse à partir de la hijra, de pays de Kouf et de faire la hijra. Ça, ça rappelle une histoire qui a été citée. Je n'ai pas de sanad direct, mais j'en entends beaucoup parler depuis longtemps, avec différentes riwayat. Et là, dernièrement, j'ai vu le kalem qui attribue à Shir Salih al-Shir, que des gens, on l'aurait appelé, il lui aurait dit, Shir, on a fait Kitab Tawhid, on est frère de France, on a fait Kitab Tawhid, kaza, kaza, kaza. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire après ? Il dit, vous êtes en France ? Non, vous êtes toujours en France. Il a fait, non, recommencez le livre, vous n'avez pas compris. Et dernièrement, un frère des Mureaux a confirmé cette histoire en disant que cette histoire-là vient de frères de chez nous, il y a 16 ans. Moi, je confirme cette histoire-là, elle est connue. C'est des frères de chez nous qui ont appelé. L'histoire, elle est vraie. Il y a 16 ans, ça a été dit. Moi, j'avais entendu une version il y a longtemps, au début des mèches, c'était selon Charabir, avec ou sous le Salafa. Les frères l'auraient appelé, ils ont dit, on a fait sous le Salafa, Kaza. Ils ont dit, ah, vous êtes où là, en France ? Ben, recommencez, vous n'avez pas compris. Et c'est vrai, tu as appris ça, et normalement, tu t'appliques, on te dit de ne pas égorger dans un lieu où on égorge pour tout cas Allah. Pourquoi ? C'est quoi la hikmah ? De ne pas être mélangé à ces gens-là et de ne pas qu'il n'y ait pas de leps. Donc là, maintenant, demain, toi, tu vis avec ces gens-là. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu les koufars, il a lancé des flèches, les musulmans qui se trouvaient en leur sein ont été tués. D'où le verset qui est descendu. Le verset. Ceux dont les anges arracheront les âmes, sur quoi étiez-vous ? Le verset est descendu sur quoi ? Sur les musulmans qui étaient chez les koufars, qui ont été attaqués par les musulmans et qui ont été atteints par les flèches. Tu vois ? Vous avez été attaqué par vos frères, vous étiez là. Vous n'avez rien à faire là. Ça, ça vient avec ça. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ثابت بن ضحاك قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنظرك فإنه لا وفاء لنظر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده ورشرتهما. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il fait rapporter de lui qu'un homme se rendit auprès de lui et qu'il ait fait le nadr, traduit par un vœu, de sacrifier un chameau à un lieu qui s'appelle Bouana, qui est un lieu qui est proche de Mecca. Donc il a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, est-ce qu'en ce lieu il y avait des idoles parmi les idoles de la Jahiliya qui étaient adorées? Il a dit non. Il a dit, est-ce qu'il s'y trouvait des aïez, c'est-à-dire des célébrations, des fêtes parmi les fêtes des koufars? Il a dit non. Il a dit, alors accomplis ton vœu, car il n'y a pas d'accomplissement ou donc d'accomplissement dans un nazr qui a été fait dans la désobéissance et ni dans ce que fils d'Adam ne possède pas. C'est-à-dire, tu ne peux donner une chose qui ne t'appartient pas. Ou faire un vœu, c'est une chose qui ne t'appartient pas. Et le hadith, c'est authentique. Donc, dans ce hadith, qu'est-ce qu'on peut tirer comme fawaïd que Cheikh Al-Fadmi l'a cité? Trois principales. Awalen, dans ce hadith, on en tire l'interdiction de ressembler au kuffar. Parce que tu vas leur ressembler en faisant cela. Tu vas aller dans un lieu qui est connu pour être un lieu de ibad al-irilillah. Et tu vas faire une adoration qui est du même jins que leur adoration à eux, qui est le sacrifice. Donc ça, c'est un hukm am. Tu n'as pas le ressembler, même quand bien même tu n'aurais pas vu une niya de le ressembler, il n'y a pas de chance que tu aies voulu avoir la niya de le ressembler pour que le jugement s'applique. C'est-à-dire qu'on dise que tu fais un tachabul koufar. Quand des gens disent moi, tu te dis, pourquoi tu portes tel vêtement? Tachabul koufar. Il dit, moi, j'ai pas voulu le ressembler quand j'ai fait ça. Tu l'as voulu ou pas, tu le ressembles. Deuxième faïda. Cela amène à endurer en erreur les gens qui te verraient faire cela. Car il pensera quoi si toi, le musulman, tu fais cela dans ce lieu-là? C'est que le fuir de ces mouchtikines aussi, il est permis alors. Parce qu'il dirait, si c'était interdit, il ne ferait pas ça ici. Et troisième, également, cela fait quoi? Est une forme de cautionnement aux mouchtikines dans ce qu'ils font. quand ils vont te voir faire cela dans leur lieu, salam alaykoum, kifa alo. Ils vont te faire foi, ils vont te voir faire cela dans leur lieu, faire comme eux. Donc ils vont dire, si lui fait ça ici chez nous, quand même, c'est qu'on peut le faire nous aussi, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas d'inkar à munkar. Tu fais comme eux dans leur lieu. C'est le mot du shirk. Hein ? C'est pas du shirk. C'est un cautionnement du shirk. C'est quand tu cautionnes le shirk. Quelqu'un qui va te voir va penser que tu cautionnes. Toi, tu cautionnes pas, toi. Mais celui qui te voit, il ne sait pas. Il va te voir en train de faire la même chose que ces gens-là dans ce lieu-là, qui est connu pour cela. Et ce hadith-là même, on peut s'en servir comme preuve pour le fait de ne pas se rendre dans les lieux, dans les ayats des koufars, lorsqu'ils font leurs célébrations, comme les Noël, les jours de l'an, toutes leurs fêtes qu'ils font, tu n'as pas à être dans les lieux où ils sont et tu n'as rien à faire qui ressemble à ce qu'ils font. Tu n'offres pas de cadeau à ce moment-là. Quand même, le jour de Noël, c'est pas tu vas acheter une bûche, mathalène, elle est halal en soi, mais ce jour-là, ne l'achète pas, car tu vas ressembler à ce qu'ils font. C'est comme si tu cautionnais la chose. Et si ils t'offrent une chose liée à leur fête, le jour de la fête, tu ne le manges pas. Tu le refuses. Zajaran là-haut pour dire, je ne suis pas avec vous dans votre fête, et votre fête, je ne suis pas d'accord. Donc, comme le shir aussi par la suite, que le mu'min, il revient de s'éloigner des lieux de la jahiliya. Et surtout de ne pas y faire des ibadah. Quand même. Afin de ne pas ressembler à ces gens-là. Et qu'ils soient attribués à eux, comme on l'a dit au début. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de remplir son vœu, son œuvre, cela démontre que c'est une ibadah. C'est une ibadah. Et qu'il est obligatoire de le faire. Et on va en parler dans le bab qui arrive, inshallah ta'ala. Après, c'est une mas'ala à la fin, qui pourrait être un ishkel pour des gens. Il dit comment Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, avec le Jaysh, a ordonné de faire salat dans une canisse, une église. Et d'en faire un lieu d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les chrétiens, on connaît, dans leurs églises, ils font du shirk. Quand même, le shirk, il dit, il se peut qu'il ait fait cela à un moment où il était content de le faire. Même qu'il ait fait cela à un moment, il était content de le faire. Et deuxièmement, également, que les Nasara, c'est un lieu, peut-être dans lequel, même ce qu'ils font, c'est Mubtada ou quoi, t'en as, ils viennent dans la Kanisa, et ils font des ibadah pour Allah fi'alan. Ils font du shirk, mais c'est pas tout ce qu'ils font qui est du shirk. T'en as des ils invoquent vraiment Allah dans la Kanisa, ils viennent, ils invoquent Allah. Ils demandent pardon à Allah des choses qu'ils ont fait. Et à la base, c'est un lieu qui est fait pour adorer Allah. C'est un ma'bad. Maintenant, ils ont innové et leurs innovations les ont amenés à tomber dans le shirk avec Isa ou sa mère. Et encore, les chrétiens ne sont pas tous pareils. T'en les attends pas, Mariam. Donc, ce n'est pas tout chrétien non plus qui, dans l'église, à ce moment-là, fait du shirk. Son acte, il est refoulé, il est rejeté, ça c'est sûr. Mais lui, des fois, il fait des ibadah à ce moment-là, il est mukhlis, et il veut Allah dans ce qu'il fait. Mais comme ce n'est pas mashulour ce qu'il fait, qu'il n'est pas musulman, ce n'est pas accepté. Donc le shirk, il se peut comme du fait que c'est un lieu dans lequel aussi Allah est adoré, alors que le lieu où les mouchikis font leur zabh, les redillah, le font pour que Allah wadih, pour leurs idoles. C'est un lieu à la base de shirk mahd, shirk pur. Il n'y a rien pour Allah dans ce lieu-là. Alors que l'église, il y a une partie qui peut être pour Allah dedans, parce qu'à la base, c'était bâti pour ça. Donc il se peut que de pas ce wedge que Omar ibn Khattab a fait la ibadah. Et quelqu'un d'autre en France m'avait répondu à l'époque, j'ai posé la question. Quelqu'un qui est aujourd'hui Samoun Harif, mais les Kitab Touhid en France, je lui ai posé la question, le même problème. Il avait dit aussi parce que la salade des muslimines ne ressemble pas à celle des Nasara. Donc quelqu'un, il va te voir, il va différencier entre vous deux. Alors que dans le Zabh, t'égorges comme eux, ils égorgent. Un animal que eux, ils égorgent aussi. Donc il n'y aura pas de différence. Alors que notre salade à nous, comme on l'a fait, la Qibla, elle diffère. Nous, il y a Soujoud, il y a Rokour, ils n'ont pas ça, eux. Mais bon, c'est pas demain, tu vas t'amuser à une église pour faire salade s'il n'y a pas de Hajja. S'il n'y a pas de Hajja, le fais pas. Le fait pas. Donc ça c'était le premier bab. Soumaqal, là il part du nazr en soi. On va prendre l'arkem du nazr, c'est un bab il est kassir. Bab man min ash-shirki an-nazru li ghayrillah. Maintenant il dit le shirk, le fait de faire un nazr pour autre que Allah. Donc à la base, la bab d'avant c'était pas vraiment le nazr en soi, le but, mais le fait de ne pas faire une ibadah pour Allah dans un lieu où autre que Allah est adoré. Et en plus d'une ibadah qui est du même djinn, qui ressemble à la tienne. Pour ne pas te mélanger à ces gens-là, pour pas qu'il y ait de confusion. Et le but, ce n'était pas vraiment le nazr en soi qu'il voulait. Hein? Voilà. C'est ça, il n'y a pas de shirk en soi, mais ça peut amener la confusion. Et c'est un bab qui est âme, comme je dis, même avec le moubtadir. Je ne me mélange pas dans le moubtadir, le défaut sac, tout ça, c'est un hukm qui est âme. Et maintenant, il te dit maintenant, le nazr, que c'est une ibada, il va t'amener à cela. C'est quoi le jument et kaza et kaza? Awalan, un nazr mahu. Un nazr wa, l'oraten, el ilzam, wa el ahd. C'est le fait de s'imposer une chose ou un engagement. En France, ils traduisent par vœu. Je ne sais pas si c'est ce qui est le plus approprié. Et Shar'an, c'est Ilzam al-Mukallaf nafsah lillahi shay'an lam yulzam bih. C'est-à-dire que le Mukallaf s'impose une chose à lui-même, s'oblige une chose que Allah ne lui a pas rendue obligatoire. Pour Allah, il le fait, bien évidemment. Pour Allah. Donc le fait de faire le nazr, c'est une ibada comme le shi'a basté l'adillah dans le livre. Donc ce nazr, l'irilillah, c'est le shirk akbar. Akbar. Comme le zab, l'irilillah, c'est akbar directement, celui qui le fait pour autre que Allah. Car dedans, c'est pareil. Il y a un ta'zim. Il y a un takarrub dedans. Et tu attends d'une chose, toi-même, tu attends d'une créature une chose qu'elle ne peut t'accorder. Par ce vœu. Et c'est ce que les mouchilikoun faisaient également auparavant. Les gens de la jahiliya, ils faisaient des nouzour pour le asnam. Ou ceux qui sont dans les koubours, ils le font aussi avec leur awliya. Faqala le mu'allifu rahmallahu ta'ala. Wa qulullah ta'ala yufuna bin nazrin. C'est-à-dire, ils remplissent leurs vœux. Ils remplissent leurs vœux. Qala Cheikh Ibn Baz. Hadha madhun lil mu'minin alladhina yufuna bin nuzur at-tayyibati shar'iyyati wa hadha yadullu ala anna an-nazr ibadatun yajib sarfuha lillahi wa ikhtisasuhu biha subhanahu wahdah. Donc cela, le fait que Allah ait fait l'éloge de ceux qui font cela, comme on l'a expliqué dans Tathir al-Irtiqad, c'est-à-dire que c'est une chose que Allah il aime, donc c'est une ibada. Amen, c'est une ibada. Ils font un nazr pour une chose qui est bien, qui est légiférée, cela démontre que c'est une ibada. Et qu'il, donc si c'est une ibadah, il n'est pas permis de la faire pour que Allah. Parmi les choses qui lui reviennent à lui seul. Wa qulullah azza wa jal, wa ma anfaqtum min nafaqatin, aw nazaratum min nazarin, fa inna Allah ya'lamuh. Il dit, vous n'avez pas de dépenser, vous n'avez pas fait de dépense, ni fait de nazr, sans que Allah ne le sache. Sans que Allah ne le sache. قال اي ان الله يعلم نفقات العباد ونذورهم عفوا فيجازيهم عليها ان كانت لوجه الله فدل على ان النذر عباده حيث قرنه بالنفقات والنفقات عباده اذا كانت لوجه الله كالصدقات على الفقراء والمساكين. الله connaît les dépenses de serviteurs et leurs nuzur, donc il récompense pour cela si elles sont pour lui. Donc cela démontre que le nazr est une ibada. Pourquoi est-ce que Allah l'a comparé à la sadaqa qui est faite pour lui? Donc s'il l'a comparé et l'a mis dans la même rétribution, cela démontre que c'est une ibada. Loue dans son livre, il en fait l'éloge. Ou il l'appelle, il l'ordonne. Ou tu vois qu'il le recommande. Ou tu vois qu'il vante ceux qui ont fait cet acte-là. Ça prouve qu'il aime cet acte-là. Donc s'il l'aime, c'est une ibada. Et à la base, le nazr, comme cela va arriver, c'est pas une chose que Allah t'a dit de faire. De faire un nazr. Mais si tu le fais, tu dois t'y engager, tu dois le remplir. Fi sahih an Aisha radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: "Man nazara an yuti'a Allah falyuti'ah, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sih." Rawi al-Bukhari. Qu'elle dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah alors qu'il lui obéisse, c'est-à-dire qu'il a accompli son vœu. Et celui qui a fait le nazr de désobéir à Allah alors qu'il ne désobéisse pas. Un nazr, à la base, suhukn, c'est qu'il est makruh. Pourquoi? Car tu t'imposes une chose que Allah ne t'a pas imposée. Et comme le dit Cheikh Othaymeen, souvent les gens qui font des nazr, tu les vois au début, ils ont la motivation. Il dit, alayya lillahi kaza wa kaza wa kaza. Soum yawmayn. Dit pour Allah, je ferai deux jours de soum, de siyam. Il est motivé. Et le jour où il faut remplir son engagement, tu le vois, il cherche une façon de s'en débarrasser. Il va voir les ulama, j'ai fait le nawf kaza, comment je fais, comment je fais. Et le alim, il fait, tu fais ton nawf. Tu fais ton nawf. Et la preuve que cela est makrouh, c'est le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon Abdullah ibn Omar, qui l'a dit, la yati bi khayr, innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Que le nawf n'apporte aucun bien, en réalité. Juste, on en fait connaître qui est l'avare. Il fait apparaître qui est l'avare. Car le nawf, quand quelqu'un fait un nawf, comme cela va arriver, ce nawf ne fera pas que Allah lui apportera plus ce qu'il souhaite pour obtenir la chose. Mais si tu as fait un nawf, tu dois t'y tenir. Ibn Omar. Hadith Ibn Omar. Donc le nawf, comme on l'avait pris dans Tati'in al-Tikad, il est la kismain. Un nawf al-mutlaq, celui qui est sans condition. Que de toi-même, pour Allah, tu dis pour Allah, je fais un sadaqa. Je donnais tant à des pauvres. De toi-même, comme ça. Donc à partir du moment où tu as fait ton nawf, tu dois t'y tenir et faire cette sadaqa. Quand tu as pris un engagement envers Allah. Ça, c'est le mutlaq. Wathani wa nadr al-muqayyid. On appelle le muqabil également. C'est que tu fais un nadr en échange de quelque chose. Tu dis, mathalan, quelqu'un qui est malade, il dit, si Allah me guérit, je fais le nadr de jeûner un mois entier en guise de remerciement. Ou une sadaqa. Ou je fais telle et telle chose parmi les ibadat. Que Allah, il aime. Donc lui, si demain il se voit guéri, comme il l'a souhaité, il doit remplir son engagement. Il doit remplir son engagement. Et c'est là que les ulama disent que le fait, comme le hadith le prouve, ce nawf ne sera pas une cause de guérison pour toi. Si Allah veut te guérir, il va te guérir sans nawf. Ne t'impose pas cette chose-là, en toi-même. Mais le nawf, il est mashrou', mais il est makrouh. À partir du moment où tu t'es engagé, tu dis je vais faire un nawf, tu dois t'y tenir. Pour Allah. Et le nawf, comme le dit Adillah ici, il a des shurut. Tu ne le fais pas dans une ma'asiyah, tu ne dis pas, mathalan, pour Allah, je vais frapper un tel qui ne t'a rien fait. C'est une ma'asiyah. Pour Allah, je vais voler telle chose. Pour Allah, je vais faire telle chose comme ma'asiyah. Ce n'est pas permis ça. Comme le hadith le dit. Et dans l'autre bab qu'on a pris, quand même, قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يملك ابن آدم qu'il n'y a pas de nawf donc que tu ne possèdes pas. Tu ne peux pas dire par exemple pour Allah je vais donner مثلاً, la voiture de mon voisin. Si Allah me guérit, je vais donner la voiture de mon voisin, sadaqa. Tu n'as pas le droit, elle n'est pas à toi la voiture. مثلاً. Tu n'as pas le droit de faire cela. Donc le nawf, il est fait dans l'obéissance et dans ce que tu possèdes toi. Et dans ce qui est légiféré, bien évidemment. Maintenant, hukm al-ladhi la yufi bil nawr. Le jugement de celui qui ne remplit pas son engagement. C'est quoi? Comme a dit le hadith Uqba ibn Amir, un muslim, قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارته النظر كفارته اليمين. L'expression du nawr, c'est l'expiation d'une yamin, lorsque tu as juré par Allah d'une chose. Et c'est quoi la kafara d'une yamin? Tu jeûnes 3 jours. Non. Directement. Ou tu fais. Ou tu nourris 10 pauvres. Ah, 10 pauvres. Ou tu les habilles. Ça, c'est la première étape. C'est 10 pauvres. Kafara tu itam achete masakin fi osot matut imun ehlikum ou kiswatuhum. Que tu nourris 10 pauvres. Ou alors tu les habilles. Et tu les nourris de ce que toi tu te nourris. Et ta famille. Après, c'est quoi? Ou tahrir ruqbah. Tu délivres un esclave. Faman lam yajid fasiyamu thalath ayyam. Voici Donc, troisième étape, quand tu ne peux pas faire celle-ci, c'est là tu jeûnes trois jours. C'est la kafara de votre yamin, si jamais vous n'en poussez pas votre yamin. Donc là, dans le nord, c'est pareil. C'est la même chose. Ou tu nourris 10 pauvres, en premier lieu. C'est pas où à la base. Si tu as les moyens de le faire, tu dois le faire. Ou tu les habilles. Si jamais tu n'as pas les moyens, tu libères un esclave. Tu n'as pas d'esclave et tu n'as pas les moyens de ça, tu jeûnes trois jours. C'est pas parce que les gens n'ont pas compris, ils pensent qu'ils ont le choix. Entre ça ou ça ou ça. On est... Non, non, non. C'est soit tu fais cela en premier lieu. Ou allez, enfin. Si tu ne peux pas, là, t'en taquille le sani. Tu ne peux pas sani, t'en taquille le salis. À Kaza. Donc le premier verbe qu'on a appris, le fait, la yuzbah. Lilla, ni meken, yuzbahu, fi il relilla. On n'égoche pas pour Allah dans un lieu, on n'égoche pour tout Allah. Fi masail, qu'al el oula, tafsir kullihi, la takum fihi abada. Qui est le tafsir de sa parole d'Allah dans le sens où il dit, ne t'y tiens jamais debout. C'est-à-dire, مزيد الضرر للمنافقين الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض كذلك الطاعة que le péché peut influer sur terre donc également l'obéissance l'adoration الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة لزوال الإشكال que les masaïl dans lesquels il y a un problème ambiguïté tu te bases sur les masaïl qui sont clairs pour enlever le problème ça revient à la règle qui est au rejour il est l'ayat al-muhkama a dit al-muhkama عند المتشابهات car les gens qui avaient le mutashabihat ou versets qui sont équivoques là c'est les gens des passions qui font cela arabiha istifsal al-mufti iz ihtaja ila dhalika que le mufti lorsque tu poses une question il peut demander des détails sur ta question si jamais il a besoin c'est pas obligatoire c'est pas à chaque fois toi le mufti te yastafsil mais des fois pour avoir une réponse qui est plus appropriée, il peut dire, mais, et kaza, et kaza, et kaza, il demande plus de détails, et après, il te dit, la réponse est ça, et ça, et ça. Al-Khamisa, an al-Takhsis al-Bok'ati bil-Nazri, l'Abbasabi, zekhala min al-Mawani'a. Que tu peux, Nassalène, viser dans ton nazr, viser un lieu en particulier, si dans ce lieu-là, il n'y a pas de mal. Tu peux dire, Nassalène, je vais faire le nazr de telle et telle chose. Par exemple, Omar a fait le nazr de faire l'irtikef dans Haram. Il dit, il fait ce nazr avant l'islam. C'est un nazr qu'il fait dans la jahiliya. Il dit par contre, ce lieu-là, il est interdit si jamais c'est un lieu dans lequel il y a des idoles de la jahiliya. Voilà au bar Zawali, même si après que ces awsan ont été enlevés. Voilà au bar Zawali. Et qu'il n'est pas permis d'y faire. Des célébrations, des ayades. S'il y a mis dans ce lieu, il y avait des ayades à eux. Des fêtes à eux. Même si ces ayades ne se font plus. À part ce lieu, Cheikh Al-Samini précise, c'est un lieu qui est devenu, si Cheikh Ben Bez précise, ce lieu est devenu un lieu d'adoration pour Allah. Même un bar, c'était un bar à alcool, même une boîte de nuit, elle a été rachetée par un musulman. Ils ont enlevé tout le monde car ils ont fait un masjid, ça devient un masjid. Ça devient un masjid. Donc c'est comme une terre de couf. Si les musulmans arrivent à la conquérir, ça devient un terre d'islam par la suite. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نظر في تلك البقعة لأنه نظر معصية. Qu'il n'était pas permis pour lui d'accomplir son vœu à cet endroit car c'était un vœu de marsia. Dans ce lieu dans lequel il y avait des ayats des mouchriquins car c'est un ordre de marsia de désobéissance. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. Qu'il faut prendre garde au fait de ne pas ressembler aux mouchriquins dans leur ayat même si toi tu n'as pas l'intention de leur ressembler. Al-ashira la nazra fil marsiya, pas de vœux, pas de nazra dans la marsiya dans la désobéissance. Al-hayata ashar la nazra li ibn adam fi ma la yamliku. Que tu ne peux faire de nazra dans une chose que tu ne possèdes pas. C'est-à-dire donner une chose pour une chose qui n'est pas à toi. Après les masail du bab d'après. Il y en a que trois. Al-oula wujub al-wafa bin nazr. Dans le bab que le nazr de l'Irilla, c'est du shirk. Que tu es obligatoire d'accomplir ton nazr. C'est obligatoire. Al-thaniya, idha thabata kounu ibadatan lillah, fasarfu l'Irilla, il-Irilihi shirkun. Si jamais tu as su que cela est une adoration pour Allah, alors le faire pour que lui, c'est du shirk. Il n'y a pas de tafsil dans le nazr. Comme cela va venir dans le dua, l'istiratha, wa-istiratha, wa-idhalika. Al-thalitha, anna nazr al-marsiyati la yajouz al-wafa bihi. comme dans le bab précédent, il a dit, qu'il n'est pas permis de faire un nadr dans la désobéissance. C'est-à-dire de s'y engager et de l'accomplir. Naam. هذا الذي أخذنا اليوم أخذنا بابين يعني أنه لا يذبح لله في مكان يذبح لغير الله on n'égorge pas pour Allah dans un lieu pour lequel on n'égorge pas pour Allah et que le nadr لغير الله c'est du shirk. Bien d'accord, on a kutafi, on a kul alhamdulillah rabbil alamin.